chair, penché sur ton verre, les pensées en poussière. Tu crois que tu fais la fête en sifflant ton charrette. Tu te crois un homme parce que tu bois du rhum. Tu te crois un homme parce que tu bois du rhum. Donne pas de rhum, de pas de rhum à ton âme, donne pas de rhum. Donne pas de rhum, de pas de rhum à ton âme, donne pas de rhum. Tire ton pétard et chasse tes idées noires. Les poumons bien remplis, la cervelle dans le maquis. Tu crois au paradis, mais t'es juste abruti. Ton évasion bizarre, elle profite qu'au Richard. Tu te crois un homme parce que tu bois du rhum. Tu te crois un homme parce que tu bois du rhum. Donne pas de rhum, de pas de rhum à ton âme, donne pas de rhum. Regarde la télé, les yeux ronds comme des billes, l'esprit bien endormi. Crois bien tout ce qu'on te dit, et surtout sois gentil. La pensée au repos, la vie bien formatée. Tu te crois un homme, parce que tu bois du rhum. Tu te crois un homme, parce que tu bois du rhum. Donne pas de rhum, donne pas de rhum, à ton âme, donne pas de rhum. Donne pas de rhum, donne pas de rhum. Oublie tout ça et vois la vie en face. Tous tes sens à l'affût, l'esprit bien éveillé. Droit dans tes baskets, maître de tes pensées. C'est toi qui décides, personne pense à ta place. Tu te crois un homme parce que tu bois du rhum. Mais t'es qu'une pomme qui se comporte comme un môme. Quand tu te crois rebelle, t'es qu'une bonne clientèle. Fumer ma crêle, un autre tire les ficelles. Tu te crois peinard, une boule racontard. Boîtier bavard, qui te transforme en trouillard. Oh, tu te sens pas mieux, quand tu fais pas comme eux. Libère-toi de tous ces choix fumeux. Tu te crois un homme, parce que tu bois du rhum. Tu te crois un homme, parce que tu bois du rhum.